sujet aujourd'hui, c'est briser l'inertie. Pour faire l'effort de briser l'inertie, il faut comprendre ce que c'est de l'inertie. Et quand on parle d'inertie, en général, on parle de quelque chose qui ne bouge pas. Fait qu'on dit tout le temps, ah ben, j'attends après ça, j'ai un événement dans ma vie qui doit se passer avant que je prenne une décision. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle si je ne fais pas ça. Si j'aurais fait ça, si mon père n'aurait pas été de même, etc., etc. On a toujours, quand on est placé en situation d'inertie, on a toujours une condition qui conditionne notre perception, qui crée dans notre esprit, qui crée dans notre mental une sorte de raisonnement qui permet de rien faire, puis qui, des fois, dans la situation de rien faire, est justifié avec beaucoup, beaucoup d'aplomb pour pouvoir entretenir un statu quo au niveau de l'âme. Bon, l'âme, évidemment, tout le monde le sait, ça a l'effet principal de nous faire vivre beaucoup d'expériences, ce qui en soi est excellent, mais ça nous place aussi dans un jeu de polarisation où, à un certain moment donné, on se demande si dans cette polarisation-là, on va sortir de la réflexion, du conflit que ça crée dans notre être, la dualité que ça va créer dans notre être. Et il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, sont exposés à des grandes crises dans la vie à cause de ce jeu de réflexion-là qui finit par engendrer des événements extrêmement pénibles et difficiles et leur donne l'impression de vivre une petite vie ou une vie très limitée. Et là, quand ils vivent la crise et quand ils vivent la peur de la crise qui reviendrait, bien là, à ce moment-là, ils ne bougent plus. Puis ils ont des bonnes raisons parce qu'ils ont le souvenir, la mémoire d'avoir entretenu une expérience pendant X années ou X temps qui lui ont fait vivre une grande souffrance au niveau affectif, une grande souffrance au niveau physique dans certains cas, ou une grande souffrance de voir des gens autour d'eux être blessés par l'événement ou la nature même de l'événement. Pensez à n'importe qui vit un hiver qui a du verglas, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui ils vont parler à leurs amis, « Toi, t'as-tu un petit moteur là, pour avoir de l'électricité, là? Un petit Honda, là? Tu sais, les petits transformeurs, là? Génératrice. As-tu une petite génératrice chez vous? » L'autre, non, pas loin de ça. Ouais, mais ça fait pas longtemps que tu es dans le coin, toi, hein? Ben, nous autres, on a déjà vécu une crise du verglas, puis, m'a dit, pas de génératrice, c'est pas évident. Fait qu'il y a un souvenir. Fait qu'il se crée, dans certains cas, des situations de tension qui sont communiquées à d'autres, qui sont communiquées par le biais du langage, la discussion. J'ai vu des gens, moi, là, ne rien faire à juste avoir entendu dire des choses. L'inertie, c'est pas nécessairement un événement concret. Ça peut être une abstraction que vous avez dans le mental qui vient d'une atmosphère que vous avez vécue ou que vous avez connue jeune, qui était plus ou moins grave, mais qui s'est aggravée pour d'autres. Puis les autres, eux autres, se sont chargés d'aggraver quelque chose que vous autres avez vécu juste un petit peu. Tu sais, tu as eu une grippe quand tu étais jeune, c'était relativement grave, mais là, on va te parler d'une grippe, là, que tu as des maux de tête, là, que tu peux en mourir. Et là, tu te dis, ouais, c'est vrai, j'ai eu bien mal à la tête, puis s'il faudrait que ça se vive demain. Fait que là, tu deviens comme peureux, puis peureux, bien, ça t'empêche de vouloir aller dans le métro avec ta blonde pour aller voir un spectacle. Ça t'empêche d'aller à une autre place où tu penses qu'il y a une collectivité qui pourrait faire à tchoum, te faire attraper quelque chose. Puis là, tu tombes dans une atmosphère d'inertie. Tu ralentis ton mouvement. L'inertie, c'est pas toujours un arrêt fixe, là, style ton corps bouge plus, là. Une inertie, ça peut être, quand tu mets tes freins sur une auto, mettre les freins, c'est mettre de l'inertie, c'est-à-dire se placer en situation où ça ralentit pour éventuellement arrêter. Fait que, c'est sûr qu'une personne qui est confrontée à une tension, soit physique ou abstraite, qui l'amène à une forme quelconque de ralentissement, il est exposé à un fort potentiel d'inertie. Quand vous dormez le soir, vous tombez en mode inertique. Là, vous allez dire, bien, c'est correct l'inertie d'abord, on peut, faut vivre de l'inertie. Oui, faut vivre de l'inertie. C'est de ne pas te lever le matin qui est le problème. S'endormir ou se reposer, ça va, mais si tu ne te lèves plus, tu as le droit à 8 heures de sommeil, 12 heures en mode vacances, 16 heures si tu es vraiment défoncé sur la job. Mais ça fait 3 mois que tu es sur le chômage puis tu dors 16 heures. tu es en dépression, bonhomme. Tu sais, là, tu es en inertie. Fait qu'il y a des zones d'inertie. C'est là que ça m'amène à vous parler que l'inertie, c'est relatif à l'événement. Il y a des zones d'inertie qui sont relativement bonnes, puis que passer un cap, c'est moins bon. Moi, quand je suis une lumière, puis que ça fait plus que 15 minutes que j'attends pour qu'elle tombe verte, là, je prends réellement le risque, à 4 heures du matin, de passer sa rouge en me disant que, bon, peut-être qu'il n'y a pas personne qui va me voir après 20 minutes, puis si on ne m'a pas vu, on ne me verra pas pour 30 secondes, certains, tu sais. Fait qu'un événement peut être très relatif dans ce sens-là, c'est que vous attendez trop, puis là, vous faites fi de la forme et vous passez outre le règlement pour justement vous mettre en mouvement. Il y a des formes qui vous arrêtent et qui sont abstraites. La lumière rouge, là, excusez-moi, ça ne pousse pas sur le bicycle, ça, là. Ou ça ne pousse pas sur l'auto. Ça fait juste me dire que c'est pas le temps de passer. Mais c'est pas normal, une lumière rouge qui ne tombe pas après 20 minutes verte. Hein? C'est pas normal 20 minutes. Quand tu attends longtemps, là, comme ça, là, pour moi, ils l'ont déplugué pour la nuit, là, puis qu'ils laissent passer juste de cette façon-là, puis ils disent les autres, ils brûleront le rouge. Fait que c'est relatif à l'événement. Il y a des situations d'inertie qui sont imposées par des règlements, puis il y a des situations d'inertie qui sont imposées par des événements physiques, comme, je ne sais pas, tu as une tempête, un ouragan, tu as une situation qui fait que, bon, disons, une grosse tempête l'hiver, tu peux pas sortir de chez vous, c'est trop dangereux, ou il y a effectivement beaucoup trop de neige, tu vas prendre le champ, c'est presque garanti, parce que neige et verglas, etc. Là, ça te place en situation d'inertie. Ça, c'est une zone d'inertie qui, à cause de l'événement, ne peut pas vous mettre dans un sentiment de culpabilité, parce que, comme je l'ai dit, c'est relatif à l'événement, donc ça vous place dans une obligation qui est, entre guillemets, voulue par les forces pour que vous soyez mis de côté temporairement pour qu'il se passe quelque chose qui ne doit pas vous affecter. Là, si vous dites, bien là, moi, écoute, je ne peux pas rester dans la maison, c'est plate, il n'y a pas de bonne émission à TV, je vais quand même aller prendre une marche dehors, puis vous avez des vents qui souffrent à 80 km/h. Là, après ça, si vous avez des problèmes à respirer, ou vous êtes gelé, vous avez froid, si vous avez couru après le trouble, vous aviez une situation d'inertie imposée par les éléments, comme on dit, par les événements de la nature, et puis vous n'avez pas écouté parce que vous pensiez que vous aviez une capacité de briser cette inertie-là, puis là, vous prenez un risque. Il y a un danger de faire face à un obstacle qui vous impose l'inertie. Une policier qui vous arrête pour vous donner une étiquette de 300$, il vous met en situation d'inertie pendant 3-4 minutes, puis il vous oblige à travailler pour rien pendant quelques jours pour payer votre ticket. C'est une situation d'inertie dans laquelle vous n'êtes pas vous autres responsables. Donc, vous subissez un événement négatif qui crée obstruction. Et en général, l'obstruction n'est pas nécessairement en soi mauvaise. Elle impose une prise de conscience, comme, je ne sais pas, le gars qui a étiquette de 300, bien, peut-être qu'il roulait un peu vite, puis là, il se fait dire, par les forces qui passent dans la police, qu'il faudrait qu'il modère, parce que là, il se met en état d'esprit ou dans un état mental pour avoir un accident grave. Donc, je veux démystifier en partant le fait que l'inertie, c'est négatif. C'est négatif dans le sens de l'événement, mais ça peut être très intelligent, cette négativité-là, par rapport à votre vie personnelle. OK? Ça, je veux faire le point là-dessus. C'est pas parce que ta femme t'engueule que c'est pas bon. Elle peut te dire les quatre vérités, puis c'est bon de les entendre dire à un moment donné. Il y a des situations qui vous imposent une pause temporaire, qui est une forme d'inertie temporaire, pour faire le point. Fait que vous avez besoin, à l'occasion, de conditions excessivement négatives qui retiennent votre cheval, qui vous obligent, entre guillemets, à vous contenir, donc qui vous imposent une inertie, de par la nature même, de l'argument de l'événement, pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Fait qu'en soi, l'inertie, elle peut avoir ce facteur-là positif. Là où on commence à faire un spin avec l'inertie, c'est quand on commence à se créer de l'angoisse parce qu'il ne se passe rien. En général, les gens, c'est là qu'ils disent « Ah, ben t'es inerte, tu fais rien, ça finit par penser que tu n'es pas capable de faire quelque chose même. » Là, à ce moment-là, Il faut toujours comprendre que le mouvement dans lequel vous pouvez vous engager, donc le mouvement potentiel que vous avez entre les mains, il est proportionnel à votre fonction dans la vie. Bon, on arrive à la fameuse fonction. C'est sûr que si dans la société, on a besoin de plus d'informaticiens que de mécaniciens, il y a plus de mécaniciens qui vont être mis en mode inertie que d'informaticiens, qui eux autres, à cause de la demande, vont être hautement sollicités à entrer dans un processus d'action, puis d'engagement, puis c'est eux autres qui sont au front. Bon, là tu vas dire, ça veut-tu dire que quand on vit de l'inertie sur notre travail, il faut changer de la nature de notre travail? Écoutez, si vous pouvez, oui, ça peut aller, mais en général, si vous avez une fonction dans la vie, cette fonction-là, elle a tendance à vous, principalement, à vous enligner vers un groupe d'individus. Il y a des mentalités, des genres de personnages, des genres de personnalités qui vous permettent, à cause de votre fonction, d'être opérationnel assez rapidement. Moi, je ne ferais pas ce travail-là, je pourrais m'en aller dans la vente d'automobiles ou de tout produit qui implique du mouvement. Des locomotives, des avions, des camions, tout ce qui bouge sur la route ou tout ce qui bouge tout court. Ça pourrait être les télécommunications, vendre des téléphones, des affaires de même. Parce que dans ma fonction, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire avec le transport, puis avec le déplacement, puis avec le rapport entre un point et un autre point. Donc, dans ma fonction, si j'étais bloqué dans mon mouvement de conférencier, je pourrais aller chercher un mouvement potentiel dans des secteurs qui sont connexes à ça. Bon, pourquoi je peux savoir que si je ne suis pas conférencier, je peux aller vendre des téléphones? C'est parce qu'il y a un rapport entre parler en conférence, puis parler dans un téléphone, puis que c'est, on va dire entre guillemets, occultement syntonisé. Là. Tu sais, il y a une syntonie là-dedans. Fait que c'est comme quelqu'un qui est bouché puis qui est chirurgien. Un chirurgien, il n'aurait pas d'ouvrage, il ferait un excellent boucher. Tu aurais des coupes parfaites. On rit, mais c'est des structures parallèles. Fait que ça reste dans fonction. Mais le gars, il est chirurgien puis il veut travailler sur une bétonneuse ou une bétonnière, je ne sais pas trop. Ça se peut que les forces, ils bloquent ça parce que ce n'est pas dans sa fonction. Au niveau de la nature du travail, puis conséquemment, le genre de personne que tu vas rencontrer. Tu sais, le genre de dynamique de client ou de clientèle qui va faire affaire avec ce que tu fais. Fait que ton mouvement potentiel, c'est-à-dire parce que pour briser l'inertie, il faut se mettre en mouvement. Donc, si on parle d'inertie, on parle d'absence de mouvement. Donc, si on veut neutraliser l'inertie, il faut se mettre en mouvement. Puis le mouvement potentiel est en fonction d'une capacité de faire bouger son environnement, donc de se mettre en échange avec l'environnement. Là, vous allez me dire, ça peut être des petits environnements, mettons que ce n'est pas une job que je veux changer de chum, ou mon chum, il ne fait plus l'affaire, il est dans une situation de blocage psychologique, émotif, puis moi, je ne peux plus rien faire avec, là, parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, puis là, la balle est dans son camp. Si vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, occupez-vous de votre mouvement personnel, occupez-vous pas du mouvement de votre partner, c'est son histoire à lui. Par contre, si ça vous crée des gros obstacles, bien, vous pouvez faire des ententes avec le motel du coin pour aller rester là pendant un mois. S'il garde les chiens pour 70 pièces par semaine, il devait être capable de trouver une cage pour quelqu'un pour le garder tranquille pendant un mois, ça c'est... C'est une question de savoir comment s'organiser, c'est juste ça. Fait que l'idée, c'est de savoir comment briser l'impression qu'on est placé obligatoirement par l'inertie d'un autre. Il y a un autre dans ta vie, il y a quelqu'un dans ta vie qui crée de l'inertie. Puis pour te dégager de son inertie, il faut que tu te distances de sa zone, de sa vibration, de son climat inertique. C'est juste ça que je veux faire comprendre. Fait que tout ce qui peut être fait pour vous éloigner de cette ambiance-là est excellent. Puis c'est sûr que votre mouvement est aussi potentiel que la fonction que vous avez dans la vie de la personne. Si vous avez une fonction bien, bien, bien essentielle, ça se peut que les forces vous replacent d'une façon événementielle en rapport avec la personne, même si elle vit beaucoup d'énergie, elle va quand même besoin. Vous êtes peut-être son respirateur, là, vous êtes peut-être sa bonbonne à oxygène, fait que les forces vont vous replacer en contact avec avec cette personne-là pour réactiver son destin ou sa dynamique de programmation. T'sais, si vous avez des gros transits saturniens à naissance qui sont pénibles, puis qu'il y a une réminiscence de ça, c'est-à-dire que Saturne revient exactement dans sa position natale ou qu'elle fait des carrés, des oppositions, des conjonctions, bien, c'est évident que la personne va être exposée à des zones de vie qui sont extrêmement inertiques. Puis tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de subir son destin. T'sais. Il y a un destin à vivre. D'attitude, vous êtes dans sa vie des fois juste pour lui donner un petit coup de défibrillateur sur le cœur pour qu'il se réveille. Fait que le mouvement potentiel est proportionnel à votre fonction et non pas à ce que vous voulez. Je veux bien que vous compreniez ça. Vous ne faites pas ce que vous voulez comme mouvement. Vous pouvez très bien dire, si je ferais ça, je me sortirais de ce climat d'extrême résistance psychologique. Mais dans le « si je ferais ça », ça contient le fait que les forces veulent vous mettre en place pour faire face à de l'inertie que d'autres peut-être ne sont pas capables. Fait que c'est ça que je vous dis. Le mouvement qu'on veut faire, même si on comprend notre condition d'inertie, même si on la comprend dans tous les détails occultes et karmiques, c'est sûr que votre mouvement n'est pas fait selon ce que votre ego veut faire. T'sais? Fait que ça, c'est à retenir, ça. L'autre phénomène qui est un peu plus de votre responsabilité, par contre, là, ça, on tombe dans quelque chose que, entre guillemets, c'est de votre faute, c'est vos mémoires. Bon, on ne choisit pas notre vie, je le sais, on s'incarne, puis on ne choisit pas le pain par la main qu'on a, puis on broye une partie de notre vie à dire, ben, j'aurais pu faire ça, j'aurais eu tel pain, etc. T'sais. Puis on comprend que, bon, vous êtes des victimes cosmiques et karmiques de bien des affaires. Puis même si on comprend ça, ça ne change toujours pas le fait que si vous avez de la mémoire, ça c'est le bout que vous pouvez régler, là. Indépendamment du genre de vie dans lequel on vous a fait naître, le genre de corps dans lequel on vous a fait naître. Fait que, y a le phénomène de la mémoire. La mémoire, ça c'est votre job. Tu sais, quand vous êtes pris avec une mémoire, « Ah, j'aurais donc dû », bien, c'est bien important de comprendre que cette mémoire-là, elle empêche votre présent d'être au maximum de son électricité puis d'engendrer un futur qui est dynamique. Fait que des fois, vous allez avoir un futur, vous êtes capable de vous visionner dans un futur, une vision qui est même très exacte de votre futur, mais vous vous levez le matin, puis vous êtes gommé, vous êtes à 36 degrés avec un facteur d'humidité de 40, tu sais. Puis là, ben vous dites, je sais pas, je sais où je m'en vais pourtant, mais maudit, je suis pas capable de le faire, tu sais. Bien souvent, dans ces zones-là, là, vous êtes soit dans le sommeil ou avec du monde avec qui vous rencontrez, vous prenez un verre d'alcool, vous prenez un joint pour certains, puis là, vous brassez du passé. Puis là, en brassant du passé, vous ne brassez pas votre avenir, vous ne brassez pas votre présent, vous brassez du passé. Puis là, votre passé, c'est comme « Ah, ça, c'était le bon temps, ça, c'était ci. » C'est comme si ça enlevait le droit que ça soit le fun demain. Ça donne juste à hier la bonne image. Ou si c'est des mauvaises images, bien là, si vous tombez dans grande complainte du fuck en Alaska, ah, bien, si j'aurais su ci, là, les regrets rentrent. Là, ça enlève toujours à votre avenir puis à votre présent une sorte de volonté d'affronter la dynamique ou la situation dans laquelle vous êtes. T'es pas obligé d'avoir fait quelque chose pour avoir une mémoire. On peut avoir un environnement qui dit que t'es ça. Tu sais, quand tu dis « noir », t'es noir. T'es noir, ben oui, je suis noir. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis noir. Ouais, mais t'es noir. Ouais, puis, t'es-tu raciste? Oui, mais tu devrais pas. Mais trop tard, je le suis. Tu vas en manger une volée, là. C'est pas de ta faute, c'est ta mère aussi qui était noire, puis ton père aussi. T'es noir. Fait qu'il y a plein d'événements, vous autres, dans votre vie, qui liés à votre mémoire, que c'est pas de votre faute. Vous avez été victime d'un train, vous avez été victime d'une situation donnée, vous avez été pris dans un cruncher de quelque chose, puis là, vous êtes hypothéqué. C'est pour ça que je disais, vous avez une dette de millions. Vous êtes hypothéqué, puis on vous demande, pour assurer votre crédibilité dans le futur, d'oublier votre mémoire, puis de regarder comme si vous étiez venu au monde le jour même. Vous étiez venu au monde un matin, là. T'as plus de mémoire. À partir d'aujourd'hui, regarde l'avenir sans mémoire, en regardant juste ce qu'il faut que tu fasses, puis ce que tu peux faire. Fait que, il y a des gens qui, pas qui s'imposent, mais qui se donnent des objectifs de vie qui sont extrêmement dynamiques et puis qui ne tiennent pas compte de tout ce qui sont les facteurs de retenue qui sont liés à des fameuses mémoires. Bon, il y a beaucoup de phénomènes de perception de l'avenir qui sont des éléments qui motivent pour sortir de l'inertie. Puis faites bien attention, de la motivation, ce n'est pas de l'action. Les gens qui disent « Ah ben moi, si je m'achète une maison, ça va me motiver », les motivations, ce n'est pas nécessairement une garantie de briser l'inertie. J'ai vu bien du monde vouloir casser l'inertie en se motivant. Puis, motivant, là, tu sais, c'est-il faire des, se créer des obligations, tu sais, ce qu'on appelle se créer des obligations. Se créer des obligations, ce n'est pas un facteur de motivation. Une motivation, c'est quelque chose qui part en dedans de toi, puis c'est plus fort que toi. Êtes-vous motivé pour aller manger tous les jours? Hein? Ce n'est pas une motivation, c'est un besoin. Bon, mais c'est ça, une motivation. Une vraie motivation, c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Tu sais? Ouais. C'est quelqu'un là, qui dit, moi, il faut que je sorte dehors là, au moins une fois par jour. Moi, je ne peux pas rester dans la maison là, 2 jours d'affilée. Là. Il n'a pas besoin d'être motivé pour sortir. Là, là. Il sort, là, puis c'est naturel de sortir. Il sort, là, puis tu ne demandes pas d'aller prendre une marche. C'est vital pour lui, prendre une marche. Lui ou elle. Ben, il brise l'inertie naturellement, mais sa motivation, ce n'est pas quelque chose qui se conditionne. Là. Il ne se répète pas dans la tête, « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » C'est comme les fameux régimes, tu sais. Les protéines, là, genre, « faut que tu manges la salade, faut que tu manges la salade, faut que tu manges la salade. » Les cures aux fruits, des affaires même. T'as ça en dedans de toi, il faut que tu sois en état d'immersion dans un environnement qui ne fait que te parler de carottes, de navets, puis ça. T'sais, là, à partir de là, il y a une motivation par le biais de l'environnement là, qui fait que l'immersion là-dedans, ça va faire que tu vas faire ça. T'sais. Apprendre l'anglais et être dans une immersion, tu as besoin d'être motivé à apprendre l'anglais, tu n'as pas le choix. Si tu ne parles pas anglais, tu ne manges pas. Tu ne peux pas demander ci, tu ne demandes pas. Fait que l'instinct de survie est allumé, puis là, ben, tu dis « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça », puis là, plus tu te réveilles, ben, plus ça crée une brisure de l'inertie de parler une langue. T'sais, tu vas apprendre le Zimbabwe, s'il faut que tu te ramasses au Zimbabwe pour faire n'importe quoi. Il y a un lion qui s'en vient, puis on va te dire, il faut que tu fasses ça. Si on te le dit en Zimbabwe, puis que tu n'es pas capable de le comprendre, tu vas te faire zapper par le lion, puis that's it. Fait que la plus grande motivation que vous ne pouvez pas avoir dans la vie, c'est la survie. Il y a bien du monde qui me demande des fois, à quoi ça sert la survie sur la planète? C'est la meilleure motivation. Tu prends un infime là, qui ne marche pas, puis les médecins disent qu'il pourrait marcher, mais c'est juste parce qu'il ne veut pas. Puis tu mets un gros chien, un Rottweiler, qui jappe à côté de sa chaise, là. Steve va faire un effort pour se lever, je te jure. Ouais. Il va peut-être retomber dedans une couple de temps, mais si tu retiens à l'aise du chien assez longtemps pour qu'il se lève, là, il va faire un effort. Il va être motivé. Bien, notre vie, là, quand on veut se payer une maison, on veut s'acheter un auto, on veut faire ci, on veut faire ça, c'est la survie qui nous allume. Puis ça vous tient électrique. Faut ta motivation à part de ta personne. Fait que la mémoire, c'est un blocage, mais une mémoire, c'est pas nécessairement un blocage que tu peux éliminer parce que c'est imposé par les expériences de vie qui te sont karmiques. Bien important de comprendre ça. Les gens qui ont été comme vieille génération, les 60 ans et plus, qui ont été marqués par tous les phénomènes religieux. L'autre phénomène, on parlait de mémoire, il y a aussi le fameux futur. Le futur crée beaucoup de pression sur le présent. Donc, vous pouvez être placé en situation d'inertie par un avenir dynamique que vous percevez dans votre temps présent comme étant trop dynamique pour votre immédiat. Puis c'est valable, là. Pensez pas que si vous avez peur de façon totalement irrationnelle et que c'est pas correct. Là. Ça peut être très correct que tu sois pas capable parce que tu n'es vraiment pas capable. Donc, tu as une bonne analyse de toi-même, tu n'es pas capable. Puis si tu fais une bonne analyse de toi-même, de tu n'es pas capable dans le futur, bien, il faut que tu respectes ça. Parce que tu es capable pour d'autres choses que ça. Là, tu vas dire, ouais, mais je sais pas... Une femme aime un genre de gars, puis le genre de gars qu'elle aime, c'est pas le genre de gars qu'elle peut avoir forever, là, elle n'aura jamais ce genre de gars-là, à moins qu'elle aille qu'elle aille lui tenir la main quand il est dans le coma à l'hôpital. Là, elle peut l'avoir. Mais, s'il n'est pas dans le coma à l'hôpital, il va la regarder, il va dire « t'es pas mon genre ». Fait que c'est violence, tu sais. Il y a du monde qui ont des objectifs de vie où leur futur est réellement totalement impensable. Puis de revenir à ce que tu es capable, ça équivaut pour quelqu'un qui reste dans, je sais pas, moi, dans le coin de la Sarre, en Abitibi, à Sainte-Ville ou quelque chose du genre, là, bien loin. Ça équivaut à dire, ben moi, je suis pas fait pour Montréal, puis je suis obligé de revenir à Sainte-Ville ou à la Sarre, puis de continuer ma vie là. C'est pas un défaut en soi, mais c'est une chose comme quoi tu remarques que tu n'es pas fait pour la ville, le centre-ville de Montréal, puis that's it, là. Fait que tu peux avoir un futur qui crée beaucoup de pression sur ton présent, qui peuvent même te faire des erreurs, entre guillemets, sur ton présent parce que ton futur prend trop de place. Ça, c'est bien délicat. C'est aussi vicieux que la mémoire, mais la mémoire, au moins, elle s'est passée, tandis que le futur, il ne s'est pas passé. Avec la mémoire, tu ne peux pas avoir de sentiment d'impuissance, ça s'est passé. Tandis que le futur que tu n'es pas capable de réaliser, ça te donne nécessairement un sentiment d'impuissance. Fait qu'il y a des gens que le futur lui crée beaucoup d'inertie parce qu'ils se mettent sur des targets de vie qui sont pour eux autres irréalisables. De là, la peur de ne pas être capable. Et le dernier grand phénomène d'inertie, c'est la faute aux autres. Pour les autres, avec les autres, à cause des autres, ça devient comme le point ultime de justification de qu'est-ce que on ne peut pas faire, parce qu'on se dit, ben, c'est à cause des autres. Si j'avais une bonne équipe, si j'avais ci, si j'avais ça. C'est sûr que si vous seriez parti d'une entreprise qui serait déjà démarrée depuis 3 ans, puis que tout ce qu'on vous dirait, c'est éteint, on te donne les clés, puis si tu as un clé en main, tu as juste à continuer à faire telle chose, puis ça va continuer comme ça pendant 20 ans. Bien, si on donnerait tout le temps ça à tout le monde, bien, tout le monde réussirait facilement à faire opérer quelque chose qui marche tout seul. Mais quand on comment je dirais ça, quand on mise trop sur les autres pour avoir un mouvement, ben ça me fait penser un peu aux gars qui suivent des camions en bicyclette-pédale pour se faire prendre dans l'aspiration d'air, là. Bien, ça fait des gens qui essaient de se faire tirer par le mouvement d'un groupe. C'est comme si tu rentrais dans un Kiwanis ou dans le Club Lion ou dans un club économique d'une ville, là. Comment ils appellent ça? Là, des... En tout cas, bon, les chambres de commerce, ça fait la main. Tu rentres là-dedans là, pour bénéficier d'une dynamique, mais dans la dynamique, tu n'apportes rien. Tu fais juste aller chercher une stimulation et une motivation là-dedans, mais tu n'es pas un élément dynamique. Tu es un élément qui va prendre, pas quelqu'un qui apporte. Il y a des gens qui sont dans des chambres de commerce, qui sont vraiment des moteurs, des gros moteurs. Eux autres vont tirer le plaisir à avoir un certain leadership. Puis, il y a plein de monde là-dedans qui vont juste pour la raid, pour essayer de voir si les autres ne les sortiraient pas de l'inertie. Fait que, ils n'ont pas de moteur, puis ils cherchent du monde qui ont des moteurs pour se faire remarquer. Il y en a beaucoup dans la société. Beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui rentrent dans des entreprises, puis qui vivent au crochet de l'entreprise, avec cette mentalité-là, ben, des 40, 50, 60 ans. Ça, c'est sûr et certain. Y a-tu un moyen de corriger ça? Ben écoutez, qu'est-ce qui se corrige dans la vie? C'est qu'est-ce que tu veux changer? Puis si ça va bien quand tu es capable de te tenir à rien faire, ben je vois pas pourquoi tu changerais ça. Fait qu'il y a des gens qui peuvent vivre d'une façon inertique pendant 40 ans en disant, bon ben, les autres sont là. Si moi, je suis pas capable... Je copierai l'examen, je copierai le dossier, je le ferai faire par l'autre, je vais lui donner 20$, puis il va me le faire. Puis tu finis par. Tu sais, le gros effort que tu fais dans la vie, c'est de chercher le moyen de rien faire. Ça devient à ce moment-là une façon de vivre. Tu sais, on va dire les gens, c'est des bougons. Bon, les bougons, c'est ça. C'est des gens qui vivent dans une inertie, qui se démènent dans leur inertie à chercher toutes les failles des structures gouvernementales pour rien faire. On disait avant des parasites, on disait n'importe quoi. Mais c'est des gens qui, dans la dynamique dans laquelle ils sont, ne font rien. Ça se dépiste par quoi? Le dépistage de cette nature-là, là, c'est quoi? C'est de laisser les autres décider à ta place. Un parasite, par principe, c'est quelqu'un qui ne décide pas. Il ne prend jamais la responsabilité d'une décision. Il exécute, that's it. Fait qu'il y a il y a zéro créativité. Il rentre dans la vie de quelqu'un, là, puis il se laisse traîner jusqu'à sa mort. Puis si l'autre ne coupe pas, là, il va pomper tant qu'il peut. Là, tu vas dire, c'est-tu nécessaire de supporter un parasite? Bien, honnête avec vous, il y a des gens qui produisent trop d'énergie, puis les parasites sont là pour enlever les excédents. Ça, c'est la fonction de certains poissons qui se collent à un requin. Le requin, il bouffe des gros morceaux, puis des fois, il laisse, tu sais, en se brassant en tête pour arracher la chose. Il y a des affaires qui partent. Les autres petits requins viennent manger ça. Puis comme le gros requin, lui, c'est les gros morceaux qu'il veut, il ne veut pas avoir de miettes, bien, tous les petits parasites mangent ce que le gros requin laisse de côté. Puis les petits poissons sont contents parce que c'est assez gros pour leur estomac. Mais vous ne faites pas partie des bougons, mais donc vous faites partie des gens qui se démènent dans la vie pour améliorer leur vie, dans le sens de devenir un plus gros poisson. Et puis là, vous avez avantage à jamais, jamais, jamais remettre vos décisions entre les mains des autres. Vous pouvez être conseillé. Quand un gars comme moi qui aime ça décider absolument, on me conseille, mais that's it. Mais si j'étais parasite, je dirais, hey, c'est elle, c'est fantastique. Je vais me mettre en arrière de sa locomotive, puis ah ouais, make the move. Je vais faire ce qu'elle fait, puis je vais compléter ce qu'elle fait, puis tu sais, j'aurai jamais d'autre pression que de suivre son train ou le train de gens qui décident. L'autre aspect pour les autres, c'est que souvent, quand on n'est pas capable de faire quelque chose pour nous autres, en le faisant pour les autres, ça nous donne un élan. C'est comme si tu n'es pas capable de te fouetter assez pour te faire mal, tu es trop capable de justifier ci, justifier ça. Moi, il y a bien des mouvements que j'ai faits dans ma vie que je le faisais pour mon gars. Puis en le faisant pour mon garçon, qui était jeune à l'époque, là, ben, ça me faisait sparker dans quelque chose, puis j'allais développer des dynamiques de travail parce que je l'avais fait pour l'autre. Fait que vous pouvez sortir l'inertie, des fois, en évitant une espèce d'apitoiement sur votre sort, qui vient souvent de tout ce jeu de mémoire-là qui vous bloque. Puis là, vous créez un futur par l'échange que vous avez avec quelqu'un. C'est que de l'échange, c'est au temps présent. Puis ça enclenche un futur. Tout ce que tu enclenches dans un échange, ça génère un futur. Tu fais quelque chose pour l'autre, puis ça génère un présent. Puis ce présent-là, bien, il te permet d'avoir un futur. Ça, c'est des effets de choc en retour. Fait que ça, vous cassez l'inertie. Il y a bien des gens qui sont plus dans l'inertie parce qu'ils ne sont pas dans l'échange. Fait qu'ils sont dans la mémoire. Fait qu'ils brassent du passé, alors que s'ils brassaient du présent dans de l'échange, fait des petites niaiseries, puis ça engendre une chimie qui fait qu'à un moment donné, whoop, whoop, ça bouge. Bon, mais il y a la bonne inertie puis la mauvaise inertie, façon de parler. C'est qu'il y a des inerties nécessaires qui vous protègent d'une surtension. Je donne en exemple le sommeil. Quand vous dormez, vous êtes en état d'inertie. Et puis, c'est valable parce que ça vous permet de régénérer. Une inertie peut être neutralisée si vous ne la prenez pas comme un élément qui vous bloque, mais comme un élément qui vous force à la concentration. Du vin. Tu le fais, tu l'entreposes quoi? 2 ans, 3 ans, 5 ans avant qu'il soit buvable? Bien, il faut que tu le mettes en inertie. Du fromage, tu fais du fromage, il y a un certain temps de fermentation. Bon, c'est des facteurs d'inertie. Ça peut être positif si c'est vu comme un processus de développement. Mais l'inertie, ça devient un élément extrêmement négatif quand tu commences à réfléchir émotionnellement l'état dans lequel tu es. En disant, ben, je ne suis pas capable, je suis impuissant, je n'ai pas de force, je n'ai pas de volonté, je. Ça crée des situations d'inertie qui deviennent en dehors de l'événement. Ce n'est plus l'événement qui te pose le problème, c'est la mémoire qui conditionne la valeur en soi de l'inertie. Que le futur peut vous créer à cause d'objectifs qui n'ont aucun sens avec votre temps présent, il peut créer de l'inertie, c'est-à-dire que ça vous crée un sentiment d'impossibilité. Il faut éviter les situations impossibles. Il faut éviter d'avoir des targets de vie qui sont impossibles. Effectivement, l'inertie dans une conversation, c'est l'entêtement. Vous avez des affaires à faire, là, puis tu sais, vous avez juste à vous lever de votre chaise, puis vous pouvez le faire, là, puis vous ne le faites pas. Puis vous trouvez toutes sortes d'excuses pour vous évader, pour « on va checker les nouvelles, on va checker mes emails ». On va checker dehors, voir si le voisin est là. Puis là, t'as une affaire qui s'appelle. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bien, il vous faut des expériences contractantes Puis là, ben, si vous avez de la spark plug, là, vous êtes capable de vous allumer, ça va vous rendre plus efficace. Mais il y a bien du monde qui se font attraper dans une zone d'inertie, puis là, à un moment donné, ils sont plus capables de bouger. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Mais prends quelqu'un qui est bien allumé, puis qu'on essaie toujours de créer de l'obstacle, puis de limiter, puis de limiter. Je te dis qu'il y en a qui sont allumés pas mal. Je regarde les voisins, là, tu vois que la vie est dure pour eux autres, là, mais je te dis que ça chôme pas. Ça parle fort, ils sont toujours sur le gros gun tout le temps. Tu vois là qu'eux autres, sont ils se battent contre la misère. Moi, j'aime ça, parler avec eux autres, parce qu'ils ont des trucs que j'aurais jamais pensé. C'est genre, écoute, si tu veux pas payer cher, je lui dis comment ça me coûte de bouffe, moi, par mois. Eux autres, ils sont sains, puis ils mangent avec ça. Moi, je suis seul, mange tout ça. Écoute, bien, il dit, tu te fais 3 jours de sandwich aux œufs, tu te payes le snack royal 2 jours au poulet, des sandwichs toujours, puis, tu sais, de temps en temps, puis tu rajoutes une bière régulièrement pour que tu te sentes riche. Oh, oh, oh! Oh, oui qu'il ne voulait pas. Mais, ils réussissent à passer à travers. Un sac de riz de temps en temps, un sac de patates de temps en temps. Tu changes d'une semaine à l'autre, sac de riz, sac de patates. Puis de temps en temps, tu essaies des patates en purée, en boîte, là, du shérif, là. Puis, il faut que tu changes les goûts. Il dit, c'est ça qu'il compte. Mais il dit, il y a l'affaire des goûts, mais le plus important, c'est d'être bourré. Tu penses pas ou tu ne l'es pas. Mais Christ passe à travers. Il dit, tant que le corps est capable de travailler, il dit, on est correct. Mais ça vient du Nouveau-Brunswick, Caracat. Ça change des moteurs dans le cours chez nous. Puis ça vient avec des chars qu'ils ont trouvés pour 50-100$, quand ça ne leur a pas été donné pour se débarrasser. Puis ils réussissent à faire 2 semaines avec un. Il y en a un, il avait changé de char 21 fois l'année passée. Je dis, fuck, ça a dû te coûter une beurrée. Ben c'est ça, ils s'en sortent. Ils s'en sortent avec des salaires de 250-300$ par semaine. Ils se mettent des logements comme le mien, ils se mettent 5 dedans, puis ils le payent. Puis ils se mettent ensemble pour se faire des gros potes de spag, de spaghettis, tu sais. Du riz en masse, tu sais, ils passent à travers. Le fun, c'est d'être ensemble et de se tenir les solidaires, tu sais. Puis tout est un événement. Là. Eux autres, quand ils vont voir un film, ils s'habillent bien checky, là, tu te le quittes. Là. Vous allez où de même? Si c'est un party d'enterrement de vieux garçon. Non, non, ils sont au cinéma. Sacrément, vous sortez en grève, ouais. C'est une sortie. T'sais. 10 qui s'en vont au cinéma, c'est 9 piastres chaque. Ah non, c'est vrai, ils vont le mordi à 5 piastres. Ça, ils brisent l'inertie. Puis il y en a d'inertie dans leur vie, là. Un petit salaire, c'est vrai, j'aurais dû marquer ça, minimum de ressources. Quand vous êtes exposé à des minimums de ressources, ça, c'est un gros, gros facteur d'inertie, ça. Manque de ressources, c'est un gros, gros facteur d'inertie. Il y a bien du monde qui disent, ah, ben, si j'avais de l'argent, je ferais ça. Mais des fois, vous avez un manque de ressources, puis ça devient une inertie intelligente parce que ça vous fera faire, vous seriez moins efficace. L'aspect positif de l'inertie, c'est que ça vous oblige à développer une intelligence de l'efficacité. Puis le côté nocif de l'inertie, c'est que si vous ne réussissez pas à vous développer un moyen d'être efficace, puis que le résultat est bien important pour vous autres, plutôt que le chemin pour vous rendre à quelque chose, mais à ce moment-là, le fait de ne pas obtenir le résultat qui va avec ce que l'ego rêverait d'avoir, bien là, il y a découragement. Les deux côtés, les deux facettes de l'inertie, c'est qu'il y en a un qui mène au découragement parce que le résultat est trop important. Puis l'autre, c'est de carrément augmenter ton efficacité. Regarde, là, j'ai oublié de mettre du gaz. Parce que moi, sur mon char, il me manque combien qu'il me reste de kilomètres avant que je manque d'essence. Là, j'avais 0 chiffre. Là. J'avais même pas 1. Non, j'ai eu le temps de me rendre. Mais ma tank, c'est 65 litres. Puis j'ai mis 63,2 litres. J'ai jamais été si bas que ça. J'aurais pu vivre l'inertie par un événement. Mais je l'ai vu flasher, mais je l'ai oublié. Ça a augmenté mon efficacité. Parce que là, de ne plus voir un seul chiffre dans le cadran, ça ne me fait pas peur. Il me reste au moins 15 kilos. Ça, c'est le bon côté de l'affaire. Mais j'aurais pu avoir le genre, « Ah! C'est grave! » Puis là, m'arrêter dans le chemin puis faire du pouce pour me chier du gaz, même si je n'ai pas manqué de gaz encore. Parce que j'aurais anticipé le problème. Tu vois, genre? Mais un manque de ressources vécues qui vous place en situation d'inertie, si vous le récupérez là, dans le bon sens, ça vous amène à être plus efficace. Le prix à payer pour être intelligent, c'est de vivre de l'âme qui nous place en état de polarité, en réflexion puis en perte. Ça, c'est le prix à payer. Mais la perte, tu vas dire, je pourrais-tu l'éviter? Oui, tu vas l'éviter après l'avoir vécu. C'est pour ça que je dis tout le temps à ceux qui font du stock market, apprenez de vos erreurs, c'est votre salaire. Tu sais, au moins une. Au moins minimum une. Ouais, ça crée de la mémoire, mais si tu es capable de te revenir au temps présent, bien là, à partir de là, cette mémoire-là va te servir à augmenter ton efficacité. Moi, quand j'ai compris là, que ça fait bien des années, là, que si je vivais une perte, il fallait que ça me serve, parce que là, ça ne valait pas la peine de vivre ça. Il fallait toujours que je découvre quelque chose sur une perte. Même si une perte m'obligeait à vivre une zone de suspension pendant un an, deux ans, il fallait que je trouve quelque chose qui justifie ma perte. Le manque de communication, c'est la pire des inerties. Les facteurs d'inertie, tu en as dans la vie à la mesure de comment tu penses la situation. Dès qu'un événement, tu vois un flat, tu dis « Ah, wow, j'ai une occasion de rencontrer quelqu'un sur le bord de l'autoroute. » Ça, c'est différent d'un bar. Il y a cette façon de voir là. Ou il y a la façon, genre, j'ai un flat, il n'y a personne qui va m'aider, je vais me casser mes ongles et je ne serai pas prête pour le mariage de demain. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de voir la vie. L'inertie, c'est une perception. L'efficacité. Pensez toujours inertie en termes de si on vous met un événement dans votre vie pour vivre de l'inertie, pensez toujours ça en termes de vivre de l'efficacité. On vous enlève quelque chose, mais il faut que vous soyez capable de trouver un moyen de favoriser avec votre créativité une solution. Fait que ce qui est un obstacle en soi, pour n'importe quel individu, il faut toujours comprendre les principes ou la mécanique qui empêche l'individu de se défaire. Fait que tout de suite en partant, si tu comprends que l'inertie, c'est relatif à un événement, si c'est un événement qui est public, si c'est un événement qui est personnel. Dans n'importe quoi, il ne faut pas considérer le négatif comme étant un facteur absolument négatif. Il n'y a rien sur la planète qui est absolument négatif, y compris la mort. Avant que je le parle pour l'avoir vu vivre, mais je ne le parle pas, ben je l'ai vécu, parce que je l'ai vécu. De toute façon, si je serais mort, je ne pourrais pas vous en parler. C'est la seule chose qu'on ne peut pas parler de notre vivant. C'est ça. Mais je peux dire une chose, c'est que les gens qui sont placés dans une limitation quelconque, bien, cette limitation-là, elle peut se défaire avec un mouvement, parce que l'inertie, l'opposé de ça, c'est un mouvement. Il faut que ce soit un mouvement qui est en fonction de votre programmation, en fonction de votre fonction cosmique, karmique. Puis que vous, il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas faire, point. Moi, je ne peux pas être alpiniste, point. J'ai 54, je ne peux pas être alpiniste. That's it. Okay. Elle me parlait qu'elle avait fait du rafting pour maîtriser sa peur. Moi, j'ai peur de faire du rafting aux grosseurs que j'ai, là. Puis, je suis content d'avoir peur, parce que ça va m'empêcher d'avoir le goût de le faire. Comprends-tu? J'ai les montres d'un arbre, c'est 40 pieds dans les airs. J'ai peur de monter dans l'arbre à 40 pieds dans les airs, puis je suis fier d'avoir peur de monter dans l'arbre à 40 pieds dans les airs. Puis je pense pas que je vais mourir dans l'arbre un jour. Comprends-tu? OK. C'est réglé. Ça m'inquiète pas. J'ai pas d'angoisse ou de sentiment d'impuissance à pas faire quelque chose que quelqu'un fait. Mais une personne peut facilement penser qu'elle ne fait rien dans la vie parce qu'elle regarde des champions de natation, elle regarde des petits qui sautent le plongeon, puis que, c'est toutes les petites filles, c'est le rock star de l'année, là, et qu'ils le voient dans le lit, là, plonger sur eux, c'est ça, that's life. Mais ça, tu sais, penser vivre ça, c'est des cas, là, qui ont une destinée pour le faire, puis that's it. Fait que l'évolution d'un être, c'est en fonction d'une programmation puis d'une ligne d'échange que tu as avec du monde. Puis, dans un sens, t'es dans un corridor où tu peux pas vraiment bouger plus qu'une certaine marge. Puis, c'est correct. Tu sais, il y en a des fois, j'étais au bar. Hein. T'as-tu voyagé? Dans tous les souvenirs du monde. Tu veux dire quoi, avec tous les souvenirs du monde? Des histoires comme toi, tu vas me raconter, parce que là, si tu me demandes si j'ai voyagé, c'est parce que toi, tu as voyagé. Puis là, tu vas vouloir mesurer si tu as voyagé plus que moi. Bien, moi, je vais te dire que j'ai, après que tu vas m'être compté toutes tes affaires, j'ai voyagé plus que toi dans la tête du monde, parce que ça va se rajouter à tous les gens qui m'ont parlé de le voyage, puis de toi qui vas m'avoir parlé des voyages. Fait que je vais savoir plus d'affaires autour du monde que toi qui as voyagé juste dans tes voyages. En d'autres termes, je voyage pas, mais j'écoute les gens qui voyagent. Puis, je répète les affaires que les gens ont dit, qui ont fait comme voyage. J'ai même fait un test une fois dans un bar. J'ai commencé à raconter à peu près, mot pour mot, qu'est-ce qu'un autre m'avait raconté dans un autre bar. Puis le gars, il dit, t'as l'air à voyager pas mal. Il dit, certain, j'ai tel logo sur ma valise qui est faite de telle façon, tel autre qui est fait de telle autre façon. Il dit, moi, je les ai, ces deux-là. Ah, ben, tu vois, puis j'en ai un autre là. Ah, il dit, ceux-là, je les ai pas. Ah, j'ai dit, tu vois. Okay. C'est juste du blabla. Si des gars sont dans un bar, ils peuvent dire n'importe quoi. Tu regardes des films à la télévision. Tu sais, puis. Tu sais, le gars, il parle de sport. Tu regardes, où est-ce que le bar, je suis, il y a une grande TV avec du sport. Puis là, il y avait des joueurs de golf, puis je disais, « Hey, tu connais-tu Trenette ou je sais pas trop? » Ben oui, c'est un super de joueur. Mais lui, il regarde pas la TV, il me parle. Puis là, de temps en temps, je regarde là. Puis t'as l'autre gars, là, qui jouait avec Palmer, parce que t'as marqué de l'affaire. « Ah, ben oui, c'est sûr, c'est nouveau, cette chose-là. » Ben oui, ça doit pas dater de bien longtemps, là. « Ben 2 mois. » Ben oui, c'est ça, 2 mois, tu sais. OK. Le monde, ils sont tellement dans le jeu puis dans la réflexion que si toi, tu fais juste t'occuper de lui, là, tu deviens bien. En tout cas, quand je suis parti, il dit, en tout cas, tu reviendras, t'es intéressant. Ben oui, je connais rien. C'est comme mon voisin. Il pensait jouer au golf parce que je sortais des Macs comme Wilson, Ping, en tout cas, tu sais, des noms, là. J'ai déjà essayé un Big Bertha. Ah oui, tu connais ça. Ah oui, c'est Callaway qui fait ça. Ah oui, tu dois jouer fort. Ben, je roule avec un bois 1, je peux taper 300 mètres. Ah, ouais, attends, ben là, tu cannes. Ah, ben, il y a apparemment 300 verges, excuse. Fait que, ben, c'est pas ce que moi je peux faire, c'est ce que la canne, elle peut faire. Ben, moi, j'ai dit, je peux taper 300 avec la chose. Elle dit, si tu cannes, t'as un bon style. Mais c'est ce que le bâton dit qu'il peut faire. Moi, j'ai vu ça sur le carton, là, quand tu te le vends. Vous avez un potentiel de 300 verges avec ce bâton-là. C'est ça qui est marqué sur la boîte. Moi, j'ai répété ça au gars. J'ai dit, écoute, je canne ça à 300 verges avec la Big Bertha de Callaway. Tabarnak, tu sais. As-tu encore ton bâton? Oh, j'ai tout vendu. Je filais mal une année. Je me suis séparé d'une de mes blondes. J'en ai perdu un peu.